mesdames, messieurs, pardon posé. Bagay non pas, j'en me supposé. Yon groupe jeune gens qui besoin de mes filles. Yon pas connaît qui ça pour yon dire. Ouais, yon besoin position. Y'a pas chez fait yon bonne action. Devant jeune fille, yo sans courage. Ah oui, monsieur, ça c'est la rage. Yo pas contre causer, yo pas contre parler. C'est ça qui rend yo égaré. Y'a pas marché, mais tout n'en compte. Ah oui, monsieur, ça c'est yon bon. Y'a pas marché, parler. Mal. Non, bah, il menti, yo sans rival. Yo t'en bonbon, chaque gen las. Oui, mes amis, yo gen audace. Messieurs, suspendez pas les mondes mal. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Parlez mal, oh, parlez mal, oh. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Parlez mal, oh, parlez mal, oh. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Parlez mal, c'est la prière, Judaï. Yeah. pas qu'on parle. Y a un monde qui pense n'a pas qu'on parle au trompé. Parce que de bout à bout, habillé sous lui. Vous entendez? Ah! Les gros sont comme vos voisins qui ont appelé à la rue et c'est pendant nous. C'est non-même lié, papa. Non-même lié. Soit papier, papier fort. Doucement, gaga. Pour nous, pour nous, pour nous,